Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin, puis j'espère que avant que Drag Race Canada sorte, que je sois rendu assez haut dans la liste des célébrités B, genre petite, moyenne célébrité, pour être invité comme juge sur Drag Race Canada. Je pense que ce serait un de mes rêves pour vrai. Oh my god, je vote pour toi, fait que tout le monde, hashtag Drag Race Canada sur Instagram, on veut Charlie comme juge. Piou! Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess, grande bipolaire comme toujours, et mes talons sont plus hauts que les ambitions de Justin Trudeau en matière de réconciliation avec les peuples autochtones. En fait, c'est vrai que tu peux rocker des talons quand même assez haut, là. 6 pouces minimum. Puis pas que ça prend très haut pour dépasser les ambitions de Justin Trudeau en matière de réconciliation autochtone, mais quand même. Ça dit tout. Charlie, comment ça va? Ça va mal. Ça va mal, comment hein? Ça peut bien aller? Moi, personnellement, j'ai assez hâte au mois de novembre qu'on peut chialer sur une autre température. Je suis capable. Le dehors ne reflète pas comment je me sens dedans, mais je me sens encore de même. Excellent. Toujours novembre. Alors, Charlie, de quoi on parle aujourd'hui? Cette semaine, on vous parle des aspects politiques de la fête dans la communauté queer. D'où ça vient que le party, ce soit politique? Est-ce que ça l'est encore en 2019? Mais aussi, de ce qu'on a vécu personnel par rapport à ça, à nous autres, grandes experts du party, parce que c'est pas pour rien que les deux, on a l'air plus vieux que notre âge. La vie et la fête nous ont usés. Tranquillement, mais sûrement. Donc, aujourd'hui, c'est party time. Alors, nous, avant de commencer, on va juste aller se partir un petit percolateur. Ah oui. Puis on vous revient dans deux secondes. Ciao, Paul, la gang. Alors, on est de retour à Deux Fifs le matin. Toujours en train de vous parler de party, parce que c'est party time aujourd'hui à l'émission. Piou! Et là, dans le fond, ce qu'on voulait parler en premier, c'était de comment le party, c'est politique, de comment le party, c'est un espace de résistance qui s'est créé à travers le temps. Yes, surtout back in the days, quand c'était juste pas permis d'être queer nulle part. Oui. Puis que les seuls lieux dans lesquels on pouvait exister dans toute notre queerness, c'était dans des bars clandestins, soit illégaux, soit qu'il y avait une espèce de façade. Oui, semi-straight. Non, on est tous hétérosexuels là-dedans. promis. Il y avait aussi les cruising spots aussi dans le temps, mais les gens sont pas bien jasants. C'est pas là que tu fais ton networking, non, là, je m'excuse. Là, moi, la dernière fois que je suis allé au sauna, j'ai pas commencé à scanner des QR codes d'Instagram. Okay. Moi, pour vrai, honnêtement, j'aime ça les discussions de sauna puis de backroom, mais ça, c'est un autre épisode. Moi, j'aime quand même ça jaser au monde. Pour les gens qui nous écoutent, c'est juste parce qu'elle est pas capable d'arrêter de parler. Ta gueule! mais c'est ça, puis surtout, je pense qu'il y avait aussi la police permettait d'intervenir dans les bars, en fait, quand ils étaient connus. Oui. Fait que, tu sais, il y avait aussi l'espèce de répression légale de la queerness de la part de la police. Et là, maintenant, ils prennent des moyens détournés, puis c'est comme par d'autres moyens beaucoup plus pernicieux, puis les riches qui ont de l'argent, ils vont pas les réprimer. Mais back in the day, c'était tout le monde. Fait que si vous êtes intéressé à voir de quoi ça pourrait avoir l'air. Oui, si vous voulez comme un exemple, hein, il y a. C'est pas nécessairement un bon film, mais c'est une bonne reconstitution historique. On l'a checké. Pour vrai, une chance qu'on n'avait pas fumé de bat, c'est tellement déconstruit. Oh my God. L'histoire, ça tue pas. C'est Cruising avec Al Pacino. Puis, Al Pacino, tout le monde. J'espère que vous avez entendu ça, là. Mais oui, mais il est pas gay dans le film, là, quand même. Hey. Non. C'était fait dans les années 80, genre 1980, c'est la scène BDSM gay à New York, vers la fin des années 70. Je dirais pas que c'est bon, je dirais que c'est intéressant. Oui. Puis ça donne une bonne représentation de l'aspect underground, justement, de l'aspect qui est vraiment très différent du disco club qu'il y avait à l'époque. Mais imagine dans le temps comment ça devait être fucking wild ce qui se passait là-dedans, parce que les mœurs étaient tellement réprimées, c'est leur seul espace de liberté, là. C'est sûr qu'ils viraient folle toute la gang. Hey, là. My God, là. Puis je m'excuse, là, mais il n'y a pas de. On va s'ajouter sur Facebook ou whatever, là. Les chances pour que tu revoies cette personne-là sont très, très, très minces. Là. Tu peux changer le numéro de téléphone. Oui. Ça, c'est Puis tu peux appeler sa ligne terrestre. Oui. Mais ta ligne terrestre, t'arrives d'où, toi? Ta ligne fixe, ton téléphone de maison, ta ligne terrestre. Ça se dit pas une ligne terrestre? Pas tant. OK, d'abord, excuse-moi. Non, je pense pas. Je pense que t'as un anglicisme, genre ground line or something like that. Ah, ouais. Moi? Anyway. Mais ouais, et puis ça pouvait être dangereux aussi d'être identifié en sortant de là. Fait que tu peux pas être. Oui. C'est-à-dire que oui, j'imagine que les gens le faisaient pareil rentrer ensemble, tu sais. Mais quand même aussi, genre, où t'habites, est-ce que tu veux que ça se sache dans ton logement? Fait que tu sais, tout devait se passer. Faut pas oublier que. À l'intérieur. Il y a plein de tapettes qui avaient une double vie et qui ne pouvaient pas ramener à la maison. Oh my God. Parce qu'il y avait du monde à la maison. Mais un truc qui est quand même vraiment cool de la culture politique du party, c'est que on fait pas juste souffrir de nos oppressions. Effectivement. On fait autre chose. On est ensemble, on se réunit, on célèbre. Oui, t'sais. Oui. Fait que t'as comme l'espèce d'envers de comme on est bien déprimé en gang quand on est juste seul, mais quand, genre, on est tous ensemble, on y va, là. Oui, oui, oui, exactement, exactement. Je pense que ce qui était aussi important, c'est que c'était un premier contact avec la communauté. Ouais. Même encore aujourd'hui, je pense que... encore aujourd'hui, clairement. La première fois que j'ai été entouré d'autant de queer, c'était quand je suis allé au Unity à 14 ans, en 2007, avec mon V-neck American Apparel. Tu sais, le blanc, rayé gris. Oui! Là, et que j'étais là. Je l'avais dans toutes les couleurs. Blanc pâle, rayé gris foncé, blanc cassé, rayé gris pâle. Yo. Je les avais toutes. Je les avais toutes, toutes, toutes, toutes. Yo, girl. Mais c'est ça. Mais c'est quand même une drôle de tension de savoir que les queers sont généralement tous, genre, déprimés ou genre, tu sais, on s'entend là que notre entourage, souvent, genre, t'as des hauts et des bas, mais en même temps, c'est des professional partiers, genre. Ah oui. Puis moi, le moindrement que je sors dans un after qui est un peu mixte, genre queer, straight, avec mes amis queer, c'est sûr qu'on va se faire demander de la drogue par des straight. Genre. Oui, ils nous spotent, ils savent que c'est nous autres qui vont... Ils savent que nous autres, on vient préparer, là. Ils savent que nous autres, on planifie, que nous autres, on est bonnes avec ça, que ça fait on a de l'expérience. Oui, ben de toute façon, ils voient le fanny pack puis ils allument tout de suite, là. Oui, effectivement. Je veux dire, c'est assez clair. Puis un autre aspect très politique du party, je pense, c'est au sein même de la communauté. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau dire les queer, du moment que t'as un espace qui est super divers puis super mix, c'est bien plate, mais les personnes qui ont le plus de privilèges vont généralement take over dans dedans d'à peu près 3-4 semaines. Wow, wow, wow, wow. Donc, c'est quand même très intéressant dans, au sein même de la communauté de créer des parties qui sont spécifiquement lesbiennes. Ouais. On en a déjà parlé à l'émission, les ballrooms qui étaient en fait soirées qui étaient beaucoup plus dédiées à la communauté gay noire, uh-huh, en réaction justement au racisme des tapettes blanches dans la communauté. Yes. Because gay men are the straight people of queer people. Voilà. Fait qu'à la maison, j'espère que vous avez essayé de compter le nombre de fois où j'ai dit le mot communauté, ça vaut 100$. Yes! Est-ce que c'est encore politique en 2019, le party? Je pense que oui. C'est sûr que la configuration a beaucoup changé parce que maintenant, on peut... Bon, c'est sûr que ça peut être remis en question avec le vent de droite qu'en Occident, mais je pense qu'on peut se réunir dans des bars sans trop craindre, ouais, pour notre sécurité. Bon, c'est sûr qu'on se rappelle un peu tous, c'est très récent, là, le Pulse Nightclub en Floride. Damn bitch. C'est vraiment fucking trash, puis ça, ouais, nous a... je pense que c'est un beau wake-up call, puis un reality check. Ouais, ouais. Et puis ça dépend de où t'es géographiquement aussi. Donc, oui. Tu sais, c'est une réalité très urbaine. Oui, de dire oui, que comme, oui. Oui, on peut se réunir, mais tu sais, comme, généralement, ça va. Surtout à Montréal, je pense qu'on a le privilège de dire qu'on peut se réunir de façon assez facile. Mais je pense que pour vrai, la grande question qui circule, que j'entends beaucoup, c'est beaucoup genre, est-ce que Grindr va tuer le bar gay, en fait? Ouais. Puis... comme la loi anti-tabac à une certaine époque, là. Toutes les bars vont fermer. Bon, comme vous le savez, moi, je suis sobre, fait que ouin, pis. Ah! Mais je trouve qu'il y a quand même ce truc-là où, genre, les bars gays, c'est quand même comme la presse écrite, là. Crissez pas vos imprimantes au vidange. Vous avez encore besoin d'imprimer, même si tout est numérique maintenant. Comme, il y a un truc où on va pas arrêter de sortir d'un bar parce que Grindr et Scruff vont pas combler tous nos besoins. Non. Ça change notre manière de hook-up, mais ça change pas notre manière de se rassembler. Effectivement, de au sortir. Contraire. J'allais dire ça l'a amélioré, c'est pas vrai parce que hookup c'est le fun en hostie, puis c'est pas un downgrade de pouvoir hookup, yes, dans les parties. Mama. Ça s'est pas amélioré, mais ça l'a changé dans le sens où on a moins la pression de hookup dans le party. Ça c'est le fun. Même si j'en ai déjà parlé, moi c'est mon lieu de prédilection. Oui, oui, oui, mais oui. Puis encore là, je me mets pas de pression pour autant. Mais c'est vrai que maintenant, tu sais, 2h30 du matin, c'est plus la dernière chance. Non, non, tu vas sur Grindr. Ça va. Moi t'sais. Quand j'oublie mon Grindr ouvert la nuit là, de 3h à 5h du matin, là, je me fais pigner hostie, ça rentre. Là. Ah ouais. Un message après l'autre, là, je me réveille le matin, genre, il est 6h, je m'en vais travailler, puis je vois juste un paquet de dick pics, puis je suis comme, parle-moi de ça, un déjeuner santé. Ah! Shut the hell up, bitch! C'est sûr que maintenant, je pense que les bars et les soirées, c'est plus un lieu de rassemblement entre amis ou un rassemblement genre familial, hein, parce qu'on... Ouais, de communauté, ou genre... De communauté, puis ça devient comme une espèce d'espace positif. Ouais. Pour nous, où on fait juste s'affirmer en gang, où on met notre pop de tapette, où ouais, on... Oui, c'est ça, puis où on change les paramètres puis les règles, puis c'est juste comme notre espace à nous, tu sais. C'est juste que là, étant donné que c'est plus aussi réprimé, mais c'est plus non plus géographiquement concentré dans le village. Effectivement. Il y en a aussi ailleurs. Puis c'est bien. En même temps, il y a comme une espèce de comme de snobisme. Hors aussi. Milieu. Ouais, mais on en a que... lu de ça. Mais le truc c'est que je comprends aussi les gens qui sont comme qui aiment mieux les parties hors village, qui ont comme diss le village, puis être comme oh my god, moi je sors pas dans le village parce que je veux dire, c'est vrai que l'enfer c'est le village là. C'est vrai qu'au Sky il laisse juste une tune d'une minute et demie, puis après ça il switch, puis c'est juste Katy Perry puis fucking Taylor Swift. Toutes les shooters bon. Sont water. water down. Oui, que tu sais, la bière est fucking trop chère, c'est de la course, que tu sais, je veux dire. C'est pacté, hostie, y a du monde là-dedans, t'as de la misère à marcher. Il fait chaud, c'est cher. Tu sais, comme, tandis qu'il y a des soirées comme Plateau, Myland, plus dans le nord de la ville, qui sont comme vraiment plus relax, vraiment plus chill. En même temps, c'est vraiment plus jeune professionnel, Plateau, Myland, avec genre de la musique plus fancy. Mais en même temps, c'est vrai que c'est comme, c'est aussi le fun. Oui. C'est juste qu'il y a quand même un espèce de truc classiste de genre, oh my god, le village, c'est tellement pour moi. Effectivement, fait que tu sais, faut juste garder en tête que c'est plus une question d'accès puis de réseau que de village bashing gratuit là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça te rend pas moins fif de pas sortir dans le village là. Comme, je pense qu'il y a aussi cette vibe là des fois avec ces parties là qui me fait chier, genre de comme ah, mais nous autres on n'est pas des tapettes du village, we're better than this. Puis je suis comme you're still fucking gay. Oui. Shut the hell up. Oui. And it started. T'as commencé à la même place que nous autres. Ben là, oui, c'est pas nous là, c'est plus ça, c'est correct. Moi non plus, je vais plus au Sky. C'est bien chill. You're not any better, là. Non. Anyway, ça, c'était good old time. Là, moi, ça m'a créé un craving. J'ai envie de m'ouvrir une bière. Fait qu'on va prendre une pause. Je vais aller me pogner un café après. C'est un bon deal, ça. Parfait. On va chercher du café maintenant. Bonjour, moi, c'est Jeff. Je suis alcoolique. Ben non, on fera pas un meeting en live, guys. Sorry. Fait qu'on vous revient dans 30 secondes, la gang. Ciao, pal. Alright, la gang. Fait que, on a réussi notre coup. On est sorti avec une Keurig du Walmart d'Anjou sans que personne nous voit. On a réussi à plugger dans le stationnement. On s'est fait un café. On est de retour. Donc, on vous parle toujours, du party au sein de la communauté queer, comment que c'est politique, comment que c'est aussi un lieu d'expérimentation. Puis moi, je me demande, Jess, what kind of baby gay were you? T'étais comment quand t'étais en pleine floraison? Moi, il faut dire... bon, c'est sûr qu'au début, là, on l'a dit. Là, je veux dire, j'avais 16 ans, j'avais mon V-neck, j'étais allé au Unity. Oui, on est tous passés par là. C'est arrivé peut-être comme une ou deux fois. Après ça, j'ai vraiment commencé à sortir, moi, quand j'étais majeur. J'ai quand même pas pire attendu mon 18 ans. Moi, j'étais pas si intéressé que ça. Quand j'ai commencé, par exemple, j'ai vraiment commencé sur les chapeaux de roue. C'est dans le village, au Unity, au Sky, à l'époque, au parking, que je me suis vraiment rendu compte à quel point je suis bitch dans vie. Toute ma jeunesse, j'ai été super introvertie. Je répondais jamais aux insultes. Oui, je regardais à terre puis je m'en allais boire ailleurs si j'étais là. Ça m'a pris tout ce temps-là savoir que t'étais bitch. Ça m'a pris tout ce temps-là, mais... T'as rattrapé le temps perdu. J'ai commencé à être bitch comme j'ai commencé le party sur les chapeaux de roue. Yes! Et Dieu sait que j'ai vraiment rattrapé le temps perdu, comme tu dis, effectivement. Tu dis des bitcheries. Fait que tu sais, comme au début, c'était vraiment ça. J'étais vraiment la tapette de terrasse là, qui parle avec le monde, puis j'étais quasiment animatrice de foule. Moi, j'étais vraiment je te fais confiance. Confiance. Définitivement. Toi? Moi, j'étais plus... moi, j'étais comme la sweet girl, un peu trop jeune pour être là, qui était comme vraiment excitée d'être dans place. Que genre, mettons que je frenchais deux gars dans ma soirée, j'étais comme, oh my god, je suis tellement une slut. Genre, tu sais, j'avais comme un petit peu de comme, de slut shaming intériorisé, de comme, oh my god, mais je peux pas faire ça si je veux comme... Tu sais, j'étais un peu fleur bleue, genre... Peut-être que l'amour de ma vie se trouve ici ce soir. Puis c'est ça, j'avais genre ma passe de... C'est-à-dire qu'on m'avait fait une fausse carte qui était en fait, tu sais, dans le temps, les passes de tarifs réduits qui se mettaient dans le truc qui se pliait, que tu montrais au chauffeur de bus. Oui. C'est ça. Fait que là, on l'avait imprimé avec genre un ami d'amis d'Edouard, mon petit, qui avait 19 ans, que c'était sa date de fête, on a mis ma photo dessus. On l'avait imprimé, découpé, il me laissait rentrer avec ça. Il me laissait rentrer avec ça. C'était la bonne époque, hein? Moi, pour vrai, des fois, je vais aux États-Unis, puis ils me cartent encore, parce qu'ils cartent tout le monde aux États-Unis, puis je suis comme, are you fucking kidding me? J'avais une carte de tarif réduit imprimée, puis je rentrais dans les bars à Montréal à 14 ans. Anyway. Please! Mais, c'est ça, après la Smirnoff à 9$, du Unity, parce que j'avais pas assez de gosses pour aller voir les daddies qu'on savait qu'ils payaient de la bière à tout le monde. C'est juste que moi, j'étais un peu fleur bleue, j'attendais l'amour, fait que je me payais moi-même mes Smirnoff à 9$. Après ça, quand même, il y a eu aussi les parties queer. Toi, c'était quoi tes premiers parties queer? Oh my god. Je pense que mes premiers parties queer, premièrement, mes premiers parties queer, je savais quasiment pas que c'était queer. OK. Parce que j'étais pas tant que ça queer moi-même. Same aussi. Tu sais, j'étais juste intéressé parce que c'était comme quelque chose de différent. Puis que, genre, j'avais des amis qui allaient là, mais j'avais pas nécessairement la conscience de comme, ouh, je suis dans un party queer. T'sais. Ouais. Puis je pense que c'est pompe. Yes! Dans le temps où ça roulait vraiment, je pense que c'était comme mensuellement, quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que Pompe, ça a été un de mes premiers parties queer où vraiment, là, je suis arrivé dans une place extrêmement diversifiée. Ouais. Où, là, c'était un petit peu moins uniforme. Non, il y avait des performances weird aux Pompes aussi. Oui, ben oui. C'était bien. Oh, c'était wild, là. Non, c'était cute. On en a vu des affaires, puis Ouais, après l'époque de la Smirnoff Ice à 9$, là, ça c'était un peu terrible. Là. Moi, je mettais un shooter de sourpuss dedans. Yark, tu m'écœures. Ouais. Tu m'écœures, ouais. Sérieusement. Ouais, moi, ça se vomit très mal. Moi, j'ai tendance à dire que mon premier party queer, mais je pense que mon. J'allais aux pompes aussi, mais je pense que le Fagri Ass Friday, pour moi, ouais. C'était vraiment comme. Mon premier party ou comme là, j'avais du fun parce que tu sais pompe j'étais pas encore une electro girl là. Moi j'étais comme ben pop Fagri Ass Friday avait ben la pop c'était cute c'était Royal Phoenix back in the days puis ça m'a permis de devenir la slut que j'aspirais à être à me pogner des étudiants de McGill qui avaient genre 19 ans qui se payaient des appartements fucking chers trop croche genre dans le sud du plateau où c'est proche de McGill là. Puis genre je te dis je pense que la première année où j'ai commencé à hook up j'avais eu plus de sexe en anglais qu'en français je il y a juste des étudiants de McGill. Oui, mais c'est les parties queer anglo, là. C'est surtout des anglos qui étaient là, là. C'est vrai. Maintenant, il y en a un petit peu plus des franco, mais à l'époque, là, ça fait pas 20 ans, là, tout ça, mais dans le temps, c'était surtout anglophone, effectivement. Même Pompe, non, Pompe, c'était plus francophone. C'était mélangé. C'était vraiment mix. Puis, qu'est-ce qu'on allait chercher dans ces espaces-là, vraiment? Surtout à l'époque, maintenant, on le sait un petit peu plus, on cherche du cul, mais... Mais moi, je pense que c'était ça, indirectement. T'sais, je pense que j'avais comme envie d'explorer ma godiness, puis d'aller chercher une certaine validation, parce que dans le temps... Je me souviens, mon premier post Instagram, c'était un de mes amis aux pompes. Genre, le premier post que j'ai fait sur mon Instagram en 2013, genre. Mais tu sais, comme, il n'y avait pas encore ça aussi, tu sais, là, maintenant, genre... je trouve que les gens sont beaucoup plus dans un truc de comme, OK, mais tu sais, t'es connecté avec, genre, tellement de gens sur tes réseaux sociaux que t'as pas... Tu sais, comme we show up puis turn up a look, great, c'est le fun. Mais en même temps, tu peux le faire de ton divan aussi, là, avoir de la validation. Puis moi, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de cute dans l'espèce d'excitement de sortir quand t'es comme plus jeune, début vingtaine, puis t'es comme oh my god. Ah oui, oui, définitivement. Moi, il faut dire, surtout dans mon époque villageoise, c'était vraiment un sentiment d'appartenance parce que quand tu te tiens dans le village, dans mon cas, c'était pas mal tous les soirs de la semaine. Et tu travaillais là aussi. Je travaillais dans le village temps, à l'époque, là. Effectivement. Puis, donc, je passais littéralement. En plus, mon appartement était à Laval, fait que j'avais aucun intérêt à rentrer chez nous. Woo! Puis, à un moment donné, tu finis par effectivement connaître tout le monde. Ouais. Un moment donné, là, t'envoies la main, tu sais avec qui tu t'entends bien, tu sais avec qui tu t'entends pas bien, tu sais avec qui t'as eu un eye contact l'année passée, puis que ça a pas marché. Genre, c'est la même affaire. D'ailleurs, ça continue toujours à ce jour. Il y a encore du monde qui me reconnaisse. Mais c'était vraiment ça. Moi, c'était le sentiment d'appartenance. Je me sentais très bien dans le village. Puis, moi, j'ai fait mon coming out à 16 ans. J'étais allé une fois dans un club gay, mais genre, ma vie gay a commencé à 18-19 ans. J'ai quand même comme je disais tantôt, j'ai quand même attendu un petit bout. Ouais. J'étais-tu contente d'être en gang? J'étais plus arrêtable. Je sortais du lundi au dimanche, puis je prenais seulement congé dans la journée qui restait. Wink, wink. Puis toi, mettons, de toutes les parties que t'as faites, là, c'était quoi les meilleures performances que t'as vues? Genre? Parce que, tu sais, on est bien fort là-dessus aussi, là. Surtout dans les parties queer. Ouais. Genre, un moment de break avec une performance pas d'allure, là. Ouais, oh my god. Je trouve que back in the days, les performances étaient plus grosses, puis trash, puis genre n'importe quoi. Puis je trouve que là, maintenant qu'il y a comme. Que tout le monde peut prendre des vidéos de n'importe quoi, tu sais, je trouve que les gens vont moins se compromettre à faire comme des. Ouais. Pas d'allure avec du beurre de peanut, de la confiture d'en face. Ouais, je t'avoue que j'ai pas un souvenir précis c'est un peu comme on l'a dit, genre, je me souviens que c'était vraiment intense. Ouais. Je me souviens que les performances étaient vraiment plus trash que là, maintenant tout le monde sort son téléphone dès que la performance commence. En fait, la plupart du temps, les personnes qui font la performance nous demandent de le faire. Aussi. Parce que ça leur prend du following, ils n'ont pas le choix, sinon on est 12 à les connaître. Fait que... Mais je pense que moi, ce que j'ai vu à Berlin. Toi, qu'est-ce que tu as vu de plus. OK, mais moi, c'est-à-dire qu'à Berlin, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils ne coupent pas la soirée pour faire les performances, mais les clubs sont immenses à Berlin aussi. Ouais. Fait que tu sais, ils font des performances de toilettes, puis là, tu as juste des drags dans les toilettes. Le drag est super politique à Berlin. Puis là, c'est vraiment cool parce que tu peux choisir de juste aller dans les toilettes, voir le show, tu sais. Oui, oui, oui. Puis je trouve que ça coupe moins la soirée, tu sais. Oui, oui, ben moi, tu vois, c'est ça, du plus loin que je me souvienne, c'était des shows de drag du bord du village. Ouais. Ça, j'en voyais beaucoup. D'ailleurs, je me suis rappelé comme récemment à quel point j'aimais ça. Genre, j'ai comme arrêté d'aimer ça. Le Drag Race est revenu dans nos vies. Ça a créé comme une espèce de renaissance. Thanks, Mama Ru. Je veux dire qu'à l'époque, je faisais partie des encore même 12 personnes qui restaient pendant le show de Drag Queen et qui n'allaient pas fumer. Oh. Parce qu'à cette époque. Et elle est fumeuse pourtant. Et oui. Et puis à l'époque, les Drag Queens n'étaient pas aussi prisées que maintenant. Ouais. Ben non, mais c'est vrai que là, il y a un espèce d'engouement. Oui, aussi, là, là, c'est ça. Là, c'est très trendy. Puis quand même, je pense qu'en termes de performance avec les queer puis le party, je pense qu'il faut pas négliger le karaoké aussi là-dedans. Oui. Parce que clairement, c'est une espèce de forme de démocratisation de la performance puis de la scène. Puis. Qui est quand même récente quand tu y penses. Ben, il y a comme une recrudescence de la mode du karaoké. Genre, mais tu sais, je pense plus vers les débuts 2010. 2010. Oui. Là, c'était les queers. Là, maintenant, plus moyen d'aller dans un karaoké dans le village sans que ce soit des gangs de straight. C'est l'enfer. Je sais pas qui a mis les straight au courant, mais là, on a perdu tous les karaokés. Ouvrez-en des nouveaux, on sait plus où aller. Oui, s'il vous plaît. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir à quel point, justement, les queers accrochent avec le karaoké. Puis moi, je suis un public difficile. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis très critique des choix de chansons, de la présence sur scène. Moi, la voix, je m'en calisse. Tu peux fausser autant que tu veux. Ah oui, ben oui. Mais je suis très critique sur le reste. Oui, puis je pense aussi que c'est en voyant ces performances-là qu'on a fini par se créer notre propre genre de drag look. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à un moment donné, là, tu sais, je veux dire, je m'habillais avec la chemise du château avec un petit débardeur par-dessus quand j'allais au Unity au début. Là. À cette heure, j'ai des short shorts avec des leggings avec des shots dessus. Je pense qu'en termes de construction de style, tu sais, de voir comme des gens, tu sais, voir les looks de party des gens puis comment il y a des gens qui s'investissent aussi dans leur esthétique, moi aussi, clairement, ça m'a. Ça m'a push forward dans mon fashion. Oui, définitivement, définitivement. Vous regarderez les photos, vous verrez que ça part de loin. Tu sais, puis des fois, tu vas dans des bars straight, puis t'es comme, voyons, Christ, tout le monde a des shorts carottés, genre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est généralement des shorts que tu peux dézipper le bas. Tu sais, qui se transforme en pantalon rendu à l'automne, là. Ça, pour vrai, il y a quand même un petit edge à ça si c'est pas carotté. Moi, je serais quand même down, mais ça, c'est le retour des 90s. Mais je pense que eux, c'est pas en second degré. Eux autres, ils ont juste comme encore ça. Donc, sur cet exemple de mode qu'il ne faut pas suivre, quoique il y a toujours le normcore, je pense que ça existe encore, ça, c'est le trend-là. Yes, maman. Vous googlerez c'est quoi. Donc, sur cet exemple de mode que je vous conseille vraiment pas de suivre, nous autres, on va prendre une petite pause. Moi, je vais aller me chercher un Virgin café irlandais, puis on va revenir dans à peu près 35 secondes. Rebonjour tout le monde. Fait que le rendu où on en était, on s'est fait des petites lignes de Maxwell House puis on t'a sniffé ça bien rapide. On est de retour. Fait que... Légèrement irritant. Ben, c'est pas plaisant pour le nez, mais ça fait son effet. Là, on se demande, en fait, on parlait en masse du party puis de l'influence que ça a eu sur notre vie puis de comment que c'est positif pour notre communauté, mais il y a des limites aussi à ça. Puis on va se questionner sur quelles sont-elles. Moi, je trouve que souvent, un des problèmes récurrents, c'est que les espaces de party, c'est toujours des espaces payants. En fait. Ouais. C'est que il faut, tu sais, on est indirectement dans le principe d'utilisateur payeur, c'est-à-dire que si tu consommes pas, t'as pas d'affaire là. Avec les covers aussi, il faut payer pour accéder à l'espace. Le code check. On est au Québec, on a un hiver. En fait, au Québec, il y a deux saisons, c'est l'hiver passé puis l'hiver prochain. Fait que tout le temps, un petit code check à payer. Puis moi, je suis tout le temps la fille qui dit non, je vais cacher mon manteau d'hiver derrière un divan. Je me suis déjà fait voler mon manteau d'hiver au Royal Phoenix. Oui. Pas de manteau d'hiver en février. Moi aussi, je me suis déjà fait faire le même coup. C'est ça, ça nous est tout arrivé. Ben souvent, ils te laissent pas rentrer avec le manteau, anyway. Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que il y a aussi des espaces gratis qui sont le fun. Tu sais, mettons, le spot où toutes les fifs se tiennent au Parc La Fontaine. Oui. T'as aussi le spot où toutes les fifs se tiennent à Piscine Folum. Oui. Il y a le spot où toutes les fifs se tiennent au Chute Sainte-Marguerite. Ah, oui, mais ça, on aime ça. Ça prend quand même un accès pour pouvoir se rendre ou comme faut savoir. Tu sais, il y a pas de truc qui est un peu comme ouvert à tous que tu sais, tu peux connaître on top of your head. Où tu peux aller puis que c'est gratis, parce que c'est les bars, en fait, qu'on connaît, t'sais. Oui, puis même les bars, on aurait tendance à penser que c'est un petit peu moins cher. Souvent, le cover est encore là, même dans les bars. Tu vas chez McDo, tu vas au cocktail, s'il y a un show le soir, il y a un cover. Il faut tout le temps comme payer. C'est sûr qu'il y a aussi le pay what you can. Oui, puis moi, je trouve que... Moi, le pay what you can, je trouve que c'est cool, mais que... renforcé d'une drôle de manière parce que ben c'est sûr que genre les gens qui font des événements alternatifs qui sont des petits genre soit producers soit DJ qui veulent comme que leur truc marche puis pouvoir en faire d'autres, tu veux garder le truc accessible, mais en même temps tu veux pas trop inviter les gens à paye pas, c'est pas grave. Fait que je comprends l'espèce de renforcer l'importance de oui mais il faudrait que les gens payent, ça serait le fun. Puis j'ai l'impression que les gens qui pourraient qui sont en situation où ils peuvent pas payer. C'est souvent ces gens-là qui sont gênés. C'est souvent ces gens-là qui sont gênés, puis c'est souvent les gens qui se disent, qui veulent se sentir spécial, puis qui veulent comme rentrer dans les soirées gratuites parce que leur fait chier de payer des covers, qui vont genre, puis genre fine, tu sais, une couple de fois c'est pas grave, puis ça arrive, mais tu sais, je trouve que en tout cas, il y a un rapport weird avec ça aussi. Parce que c'est ça, tu sais, il y a aussi le côté tu veux pas payer tes artistes en visibilité. Là. Ben non, c'est ça. Tu payes pas ton loyer qu'une visibilité, mais bon, c'est ça. De l'autre côté, des fois, il y a peut-être je pense qu'il y aurait, il pourrait des fois y avoir une réévaluation des coûts. Ça serait correct. Parce que là, c'est souvent 10, 15, 20 piastres, là. Ça commence à monter vite en maudit. Ben, là, à Montréal, je pense qu'il n'y a plus de soirée à 5 piastres, là. Back non. in the days, genre, c'était 5 piastres, c'était la norme, là. Maintenant, c'est rendu 10 piastres. Oui. Mais tu vas à New York ou Vancouver, il n'y a rien en bas de 20 piastres, là. Ah non, c'est sûr. C'est ça. Puis Montréal, 20 piastres, ça reste comme, tu sais, pour une soirée, genre, qui commence vers 10, 11 heures, puis qui finit à 3 heures, là. Genre, chargé, comme plus que 15$, the audacity. Oui. Genre, personne va y aller. Non, non, non, je m'excuse surtout que la clientèle n'est pas aussi grosse à Montréal qu'ailleurs. Non, c'est ça, tu sais. Il y a moyen d'aller ailleurs au pire. Fait que bon, c'est sûr qu'il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, ça c'est sûr et certain, mais il y a, je pense qu'une autre des limites ou des problématiques qu'on pourrait voir dans la préséance du party dans la communauté queer, c'est la pression à l'intoxication. Uh-huh. Là, ça, là-dessus, j'en parle je parle en connaissance de cause. Comme je le dis souvent, moi, j'ai arrêté de boire, ça fait à peu près 5 ans. Pas à peu près, ça fait plus que 5 ans. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, OK, la majorité des choses, entre guillemets, vraiment le fun qui se passe dans la communauté queer, c'est dans des bars, c'est dans des parties, c'est dans des endroits où les gens sont souvent hautement intoxiqués. Fait que c'est sûr que ça peut poser problème. Toutefois, il y a quand même des solutions qui se présentent. Il y a certains parties qui vont offrir un sober space, hein, un espace sobre où les gens vont pouvoir puis ça, décanter. Puis sans... ça, je trouve ça cool pour vrai parce que dans le fond, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un truc où, ben, souvent, quand t'es sobre, ça te fait chier d'interagir avec juste du monde qui sont comme shitface, tu sais. Oui. Puis d'avoir un espace sobre où tu peux revenir puis que ça va être juste des gens sobres avec toi puis que tu peux enjoyer ça puis juste y retourner puis comme faire l'aller-retour entre les deux. Absolument. Je trouve que c'est un meilleur compromis que, tu sais, parce que c'est fun de faire des événements sobres aussi, oui. tu sais. C'est juste qu'il y a quand même un truc où, ben, tu sais, tu veux aussi être en contact avec le reste de la scène aussi, tu sais. Puis je pense que cette mouvance-là commence à exister. Je pense que les gens s'en rendent compte. Parce que tu vois, moi, je vais voir des shows de drag queen de temps en temps. Puis les drag queens que je suis en ce moment le plus, ils commencent leur show en disant oubliez pas, il y a des boissons non alcoolisées. Ils font sûr qu'il y a quelque chose de non alcoolisé qui est offert au bar plus que de l'eau. Ben oui. De l'eau Perrier. Ben oui. Parce que pour les gens sobres, là, ben prends un verre d'eau, c'est un petit peu comme dire un végétarien mange la salade. À un moment donné, on t'écœure de faire dire ça. On est vraiment tanné. Ouais, ouais. Il y a ça, puis tu sais, tu disais, quand t'es sobre, t'as pas nécessairement envie de parler avec quelqu'un qui est shitface. Même si la personne n'est pas shitface, quelqu'un qui a deux bières dans le corps, là, ça parle plus vite, ça parle plus fort. Essayez de prendre ta place dans une conversation, parce que le monde est un petit peu réchauffé. Ouais, quand toi, t'es sobre, puis que t'es un petit peu moins extroverti, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis je pense qu'il y a le rythme du party aussi. Ça... Le truc, c'est que... horaire, whatever. Ouais. Puis je trouve que ici le party, c'est un sprint. C'est pas un marathon. Oui. C'est-à-dire que il y a un deadline. À 3 heures, c'est fini. Oui. Puis sinon, tu trouves un after. Oui, puis surprisingly enough, je comprends jamais pourquoi les gens arrivent à 11h30, minuit. Oui, mais en même temps, je comprends. C'est-à-dire que tu sais, il faut que tu te mettes dans le mood. Il faut que tu rejoignes les gens. Il faut que je trouve que c'est trop... En tout cas, moi, je trouve que les parties finissent trop tôt à Montréal. Ouais. Puis que de manière vraiment contradictoire, je pense que si ça commençait plus tard, on suivrait mieux le rythme. Mais ça, c'est juste parce que quand il n'y a pas un deadline super tôt dans ta soirée, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que tu peux vraiment prendre le temps d'enjoy puis partir quand tu veux, en fait. Oui. Tandis que là, j'ai l'impression que tout le monde a une injonction de comme vivre l'intensité de 1h à 3h le matin, puis ça me fait quand même chier. Oui. Ce qui dit, encore une fois, que toute loi prohibitive pousse à la consommation. That's it. On va faire une émission directe là-dessus, un moment donné, ça s'en vient. Puis tu sais, à Berlin, genre, les parties commencent soit le vendredi ou le samedi soir, puis finissent soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Oui. C'est très long, mais il y a des gens qui viennent juste dans la journée, là. Moi, genre, quand j'étais à Berlin, il y avait mes amis qui, genre, arrivaient au party à midi, 1h après avoir brunché, qui, genre, faisaient ce qui leur faisait plaisir pour avoir les sensations qu'ils voulaient, qui se laissaient débuzzer pour 6-7 heures, qui allaient se faire à souper, faire le lunch, préparer deux semaines, puis qui retournaient à la job le lendemain, puis comme ça, donc, elle a l'air le fun. Ouais. Ah, ben, c'est clair. Imagine d'avoir accès à ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, souvent, ce qui pose problème, surtout pour moi, je veux dire, c'est la plage horaire. C'est toujours tard. Oui, c'est ça. Puis, moi, des fois, j'aimerais ça sortir dans le milieu de la semaine, mais il n'y a pas personne qui va être rendu au bar avant 10h30, 11h. Non. Parce que c'est comme la plage horaire est toute fuckée. Puis moi, pour ça, c'est une de mes limites. Des fois, je trouve que la plage horaire est un petit peu difficile à suivre. Mais justement, ça serait comme le fun d'avoir autre chose. Moi, j'aime ça du day partying. Là, ben oui. Pendant la journée. Là. Mais puis je pense que l'autre contrainte, c'est ce qui fait que le rythme commence à être plus facile, c'est que on vieillit. Oui. Ça, il y a clairement ça, parce que avant que j'arrête de boire, j'avais bien plus de misère à suivre. J'avais juste 25 ans, puis je sentais déjà une différence. Mais sérieusement, genre, quand t'es ado, tu peux juste faire n'importe quoi. Là. Ton corps n'a jamais rien vécu encore. Tu peux le fuck up. Partir du circus pour aller travailler, j'ai fait ça combien de fois? Oh my God, girl. Je sais même pas ce que je faisais là. Il y avait le stéréo, genre, vraiment à côté. C'est là que j'aurais dû aller. C'était bien plus le fun. Sais-tu de quoi on a besoin? De drag brunch. Est-ce qu'on a besoin de drag brunch, là? Je sais, c'était écrit sur ta feuille. poser une question naturelle de même, mais non, je t'ai coupé. Ben oui, on peut-tu avoir des drag brunch? On peut-tu avoir de quoi le matin, genre un déjeuner queer? De très cute. S'il y en a qui veulent des mimosas, ils se font des mimosas, là, c'est correct. Mais c'est ça, mais je pense que c'est vraiment un truc de comme grosse scène à l'américaine, à genre LA, ouais. New York, où les gens ont vraiment de l'argent à pitcher là-dessus parce que pour que ça rapporte. Parce qu'encore une fois, est-ce qu'il y a assez de clientèle pour qu'on ait des shows de drag queen 24-7, tu sais? C'est ça. Pas nécessairement, je dis drag queen, drag king, whatever, des shows queer, des performances, vous faites bien ce que vous voulez. Mais justement, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir vraiment du monde qui vont se pointer à 9h le matin pour écouter ça? C'est une question qui se pose. Et alors, pendant que vous y pensez, nous autres, on s'apprête à conclure. Moi, j'ai fini mon Virgin Café irlandais. C'était très bon. Mm-hmm. Puis là, moi, j'en peux plus. Fait que là. Tanné. Oh, oui, je tanné. Elle rentre chez elle. Pourquoi qu'on fait un podcast, donc? Je t'ai carré, moi aussi. Trop d'ouvrage. Delete it. Fait que ça nous a fait plaisir de vous parler cette saison. C'est fini pour cette année. Non, c'est pas vrai. On fait juste une petite pause, puis on vous revient dans 20 secondes. Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci les Moons de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous contacter, nous share, nous suivre sur n'importe quel média social. Vous avez qu'à chercher 2 FIF le matin, 2 le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. Et le matin, tout en un mot, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur peu importe où vous checkez les podcasts, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcasts, que ce soit Google Podcasts. Si vous avez 5 étoiles pour nous autres, on va les prendre. Oui, alors on se revoit la semaine prochaine. En attendant, s'il y a des gens qui veulent venir me voir, je serai dans la chambre 117 du sauna L'Oasis du samedi au dimanche dans la nuit. Oh my God, she's busy. Quand même. Je donne toujours mes plages horaires, c'est plus facile. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 2 FIF le matin. Et en attendant, amusez-vous!